Chapitre 4. Le départ. Edward Arundel ne quitta Montauk Square que pour entrer aussitôt chez le précepteur particulier dont il avait parlé et qui devait compléter son éducation et le préparer à remplir les pénibles devoirs de la vie militaire. De la maison de ce précepteur particulier, il passa dans un régiment de cavalerie après plusieurs examens qui étaient loin d'être en 1840 aussi difficiles qu'ils le sont devenus depuis. En effet, je crois que les malheureux cadets élevés d'après le système de haute pression et auxquels on demande, en l'espace d'une demi-heure, l'abrégé des intrigues politiques du Portugal pendant le XVIIIe siècle, un exposé scientifique des courants de la mer Rouge et la critique des comédies d'Aristophane comparée à celle de Pedro Calderón de la Barca, sans oublier de prendre en considération les influences de l'époque différente et de la nationalité sur l'esprit des deux auteurs, aurait porté envie à M. Arundel pour la facilité avec laquelle il obtint sa commission dans un régiment de cavalerie d'élite. M. Edward Arundel inaugura donc l'année 1840 par un crédit illimité sur les livres d'un célèbre tailleur militaire de New Burlington Street et par une visite à Dangerfield Park, où il fut faire ses adieux avant de s'embarquer pour l'Inde avec son régiment qui venait de recevoir l'ordre du départ. Mrs. Arundel fut sans doute très peinée de cette séparation soudaine avec son plus jeune fils aux cheveux blonds. Le jeune homme et sa mère se promenèrent ensemble au pâle soleil d'hiver, sous les hêtres sans feuilles de Dangerfield, et parlaient du triste voyage que devait faire le cornet, des plaines arides et des jungles dangereuses, des périls sur mer et des périls sur terre. Mais à travers tout ce mirage, le jeune soldat voyait la gloire qui lui tendait ses bras blancs, lui faisant signe du doigt et lui criant « Viens, conquérant futur, viens, malgré les fatigues et les dangers, malgré la fièvre et la famine, viens reposer ta tête sur mes genoux teints de sang. » Assurément, ce jeune homme, qui n'a que 18 ans, est excusable d'être un peu romanesque, un peu trop empressé et impressionnable, et de s'imaginer qu'il n'a qu'à aller dans l'Inde sur un grand navire de transport, où il aura le mal de mer, pour y conquérir la réputation d'un Clive. Peut-être est-il excusable, encore, d'oublier parfois, dans son enthousiasme, le pauvre ami auquel il est venu en aide il y a un an environ, et les yeux bruns sérieux qu'il regardait dans la misérable chambre de Oakley Street. Je ne dis pas qu'il eût oublié complètement son vieux professeur de mathématiques. Il n'était pas dans sa nature de négliger le souvenir de quiconque avait besoin de ses services, car ce jeune homme, auquel il tardait tant d'être soldat, avait un caractère chevaleresque et serait allé se faire tuer pour sa dame ou pour son ami, si besoin en eût été. Il avait reçu de John Marchmont 2 ou 3 lettres reconnaissantes, dans lesquelles le clerc d'avoué parlait gaiement de sa nouvelle existence et de sa santé, qui s'était considérablement améliorée depuis, disait-il, qu'il avait renoncé à la bannière tragique et au masque de pantomime. Edward n'avait pas oublié non plus sa promesse d'intéresser Mrs. Arundel au sort de la petite fille sans mère. Dans l'une de ses promenades d'hiver sous les branches noires des hêtres de Dangerfield, le cornet avait raconté la douloureuse histoire de la pauvreté et de l'humiliation de son digne professeur. « Et dire, mère, s'écria-t-il à la fin de la petite histoire, que j'ai vu le pauvre diable portant une grande bannière en calicot et marchant à la queue de la procession pendant que les marchands de pommes de la galerie se moquaient de lui. Je sais qu'il descend d'une des meilleures familles du Lincolnshire et qu'il héritera d'une immense fortune s'il vit assez longtemps pour cela. Mais s'il mourait, mère, et qu'il laissa sa pauvre petite fille dans la misère, vous auriez soin d'elle, n'est-ce pas ?» Je ne sais pas si Mrs. Arundel entrait tout à fait dans les vues de son fils relativement à l'adoption de Mary Marchmont, ou si elle avait le projet bien arrêté de garder la petite fille à Dangerfield tant qu'elle vivrait, dans le cas où elle deviendrait orpheline. Mais c'était une bonne et charitable dame, et elle ne voulut pas contrarier son fils en entamant une discussion sur le plus ou moins de sagesse dont il faisait preuve en adoptant ou promettant d'adopter les orphelins abandonnés qu'il trouvait sur sa route. « J'espère que la petite fille ne perdra pas son père, Edward, » dit-elle avec douceur. « Et puis, mon cher enfant, vous m'avez dit que M. Marchmont avait d'humbles amis qui prendraient l'enfant s'il venait à mourir. Il ne désire pas que nous adoptions sa fille. Il demande seulement que nous nous intéressions à son sort. » « Et vous vous y intéresserez, mère, » s'écria le jeune homme. « Vous vous intéresserez à elle, n'est-ce pas? Vous ne pourriez vous en empêcher si vous la voyez. Elle ne ressemble nullement à un enfant, vous savez. Ce n'est pas comme Laetitia Elle est aussi grave et calme que vous, mère, plus encore. Elle a tout à fait l'air d'une dame, malgré sa robe et son tablier râpé. Ses habits sont-ils râpés ? Dit la mère. Je pourrais toujours, quoi qu'il arrive, lui être utile sous ce rapport, Ned. Il me serait facile de lui envoyer une malle pleine de robes de Laetitia, qui grandit trop vite pour user ses vêtements. Le jeune homme rougit et secoua la tête. Merci d'avoir eu cette bonne pensée, mère, mais je ne crois pas que cela puisse se faire, dit-il. Et pourquoi pas ? Parce que John Marchmont est un gentleman. Voyez-vous, et quoiqu'il soit très pauvre, il est héritier de Marchmont Towers. Pour gagner quelques shillings, il ferait tout au monde, mais il n'accepterait pas des vêtements de rebut. La conversation sur ce sujet n'alla pas plus loin et ne décida rien. Edward Arundel écrivit à son humble ami une lettre charmante par laquelle il annonçait à John qu'il avait conquis la sympathie de sa mère en faveur de Mary et lui traçait un tableau brillant de l'expédition dans l'Inde dont il allait faire partie. « Je voudrais pouvoir aller vous faire mes adieux ainsi qu'à Miss Mary avant mon départ, » écrivait-il, « mais c'est impossible. Je me rends tout droit d'ici à Southampton à la fin du mois, et la Auckland met à la voile le 2 février. Dites à Miss Mary que je lui rapporterai de l'Afghanistan toutes sortes de jolies choses, des éventails en ivoire, des châles de cachemire, des curiosités chinoises, des pantoufles brodées à pointes recourbées, des diamants, de l'attar, des roses, etc. » Et n'oubliez pas que je m'attends à ce que vous m'écriviez et que vous m'annonciez sans retard la nouvelle de votre héritage dès que la propriété de Lincolnshire sera à vous. John Marchmont reçut cette lettre au milieu de janvier. Il soupira tristement en repliant l'épître du jeune homme après l'avoir lu à sa petite fille. « Nous n'avons pas déjà tant d'amis, Polly, » dit-il, « pour que la perte de celui-ci nous trouve indifférents. » Les joues de Mary Marchmont devinrent plus pâles en entendant parler ainsi son père. Ce tempérament et imagination qui, ainsi que je l'ai dit, était d'une précocité presque morbide, présentait chaque objet à la petite fille sous un jour inconnu aux enfants. Ces quelques mots suffirent pour qu'elle se transportât en esprit dans ce terrible pays dont son père lui avait décrit les dangers. Elle se vit dans les rochers de la passe de Bolan au milieu d'un tourbillon de neige et autour d'elle, les soldats affamés disputaient aux chiens sauvages la possession de quelques charognes. Elle avait entendu parler des périls et des fatigues qui avaient été le partage de l'armée de l'Inde en 1839, et son cœur de femme tressaillait de peur à ces cruels souvenirs. « Il ira dans l'Inde et il sera tué, papa, » dit-elle. « Oh, pourquoi le laisse-t-on partir ? Sa mère ne l'aime donc pas. Si elle l'aimait, elle retiendrait près d'elle. » John Marchmont fut obligé d'expliquer à sa fille que l'amour maternel ne doit pas aller jusqu'au point de priver une nation de ses défenseurs, et que les plus riches joyaux que Cornélie puisse donner à son pays sont les gouttes de sang rosé qui tombent du cœur des plus braves et des plus beaux parmi ses fils. Mary n'entendait rien à l'économie politique. Elle ne pouvait raisonner sur la nécessité de châtier l'insolence de la Perse ou d'arrêter l'invasion russe sur les bords lointains de l'Indus. Fallait-il que la belle tête d'Edward Arundel, avec son auréole de cheveux blonds, fut fendue par le sabre d'un Afghan renégat parce que le jeune chat de Perse avait fait l'entêter. Mary Marchmont pleura silencieusement ce jour-là sur un roman en 3 volumes pendant que son père portait des citations à des débiteurs insolvables en sa qualité de saute-ruisseau de Messieurs Paulette et Matthewson. La petite fille ne passait plus ses journées dans la chambre du second sur le derrière. Monsieur Marchmont et Mary était resté fidèle à Oakley Street et à la marchande à la toilette, qui était une bonne créature. Mais ils étaient descendus au premier étage, dont le splendide ameublement avait jadis émerveillé Mary, alors qu'il était occupé par un réprouvé de vieux commissionnaire en marchandises, qui semblait indifférent au charme d'un miroir convexe, supporté par un aigle doré mais estropié, auquel la perte d'une aile enlevait un peu de sa dignité. Mary trouvait que ce bijou de miroir aurait pu figurer comme ornement dans le palais de la jeune reine à St. James Park. Mais ni l'aigle, ni le 3e volume d'un roman attendrissant ne purent consoler Mary dans cette sombre journée de janvier. Elle ferma le livre, se mit à la fenêtre et regarda dans la rue déserte et obscurcie par les flocons de neige qui tombaient lentement. Il neigeait aussi dans la passe de Bolan, se dit-elle, et les traîtres indiens harassèrent les braves soldats et tuèrent leurs chameaux. Que deviendra-t-il dans cet affreux pays le reverrons-nous jamais ? Oui, Mary, pour votre malheur. Les cimetières indiens ne l'effleureront pas. La famine et la fièvre ne s'abattront pas sur lui, car la main qui marque le jour encore éloigné où vous devez vous rencontrer, vous et lui, ne faiblira pas jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. Nous n'avons pas besoin de raconter tout au long les préparatifs qui furent faits pour le départ du jeune soldat, ni les tendres adieux entre la mère et le fils. Monsieur Arundel était un gentleman campagnard, pur et simple, un squire à larges épaules et le cœur sur la main, qui ne songeait qu'à sa ferme, à son cheval et à la chasse aux daims rouges dont foisonnait le voisinage. Il envoya son fils cadet dans l'Inde avec autant de calme qu'il avait envoyé l'aîné à Oxford. Le jeune homme n'hériterait pas de grand-chose. Il fallait donc qu'il se fît une position convenable. D'autres cadets de la famille des Arundel avaient combattu et gagné leur grade au service de l'honorable Compagnie des Indes. Edward ne valait pas mieux qu'eux. À quoi bon dès lors les pleurs et les regrets parce que le cornet s'en allait essayer de faire fortune s'il pouvait? Le squire alla même plus loin. Il déclara que Master Edward était un heureux gaillard, de partir juste au moment où on se battait avec acharnement et où l'occasion lui serait offerte d'avancer rapidement. Il donna sa bénédiction au jeune cadet, lui remémora le total de la somme sur laquelle il pouvait compter à titre de supplément de solde, lui recommanda de ne pas boire et de ne pas jouer, et crut après cela avoir fait son devoir d'anglais et de père. Si Mrs. Arundel pleura, ce fut en secret, pour ne pas décourager son fils par la vue de ses larmes de femme toute naturelle. Si Miss Laetitia Arundel fut désolée de perdre son frère, elle étouffa son chagrin avec une discrétion digne d'éloge, et elle n'oublia pas de répéter aux voyageurs qu'elle s'attendait à recevoir par le premier paquebot une robe en mousseline brodée d'ailes de scarabée. Et comme Algernon Fairfax d'Anganfield Arundel, l'héritier, était à Oxford, il n'en restait plus personne pour pleurer. Edward s'éloigna donc de la maison de son père avec la diligence qui partait des armes d'Arundel, assez à temps pour rejoindre le télégraphe à Exeter, et aucune lamentation bruyante ne retentit dans les airs au-dessus de Dangerfield Park, aucun sanglot ne troubla le calme des vastes appartements. Les vieux domestiques regrettèrent le fils cadet, qui, par son caractère jovial et facile, était devenu leur favori. Mais leurs regrets furent tempérés par une certaine dose de gaieté, comme cela arrive généralement pour toutes les douleurs de ce genre, et l'île forte, la fameuse île d'octobre, fut versée à Dangerfield en cette journée du 31 janvier avec plus d'abondance qu'elle ne l'avait été depuis Noël. Je doute fort que quelqu'un de Dangerfield Park fut aussi désolé du départ du jeune soldat que la petite fille romanesque de Oakley Street, Lambeth, dont le rêve sentimental qui tenait à la fois de la femme et de l'enfant avait pour figure principale Edward Arundel. Ainsi, la toile tombe sur un navire qui déploie ses voiles blanches sur le fond gris du ciel de février et part pour l'Orient, et sur une petite fille qui mouille de ses larmes les pages en lambeaux d'un roman stupide dans un triste logement de Londres.